rap game peut serrer les fesses. Tous les MC sont de la baise. Esprit Vandal 2009, c'est équipe type 2S. Tu peux m'appeler le pointeur quand je forme ma beat dans le guest. Leur stupide carrière pliée sur un seul texte. Sans jouer les gros bras, retranscrit la vitesse. Abrégeant quelques mesures et ils rivalisent Chipette. C'est pour les MC fauchés qu'on vient jeter les piécettes. Une nouveauté sur un strong, on les renvoie tous aux pougnettes. Inscription gratuite, la rue, la routine. Se déchire au spliff toute la nuit, sans intérim on se bousille. Chez nous c'est tout que pour le bif, parmi les faibles et solides. Ceux qui font, ceux qui disent, les gros bouffons, les caïds. Confond pas le bruit de la street avec celui du calibre. Encadrement flic barbelé quand ton esprit n'est pas libre. Vandale sur Paris, y'a pas de cœur pour le ralci. Entre les murs on prend racine, parmi les graines de racistes. Au casse-pipe les sales flics qui jouent au cache-cache pourri. Pour que le shit il se rapplique, on les accueille sans le sourire. L'argent sale c'est facile, pour l'asna ou Nasir. Une transac reste postiche. Tu l'as rempli la tirelire. Mélange rap et soucis, j'ai aucun message à te dire. J'serai un exemple pour personne tant que je m'en serais pas sorti. C'est illicite, objectif, one shot en une prise. On laisse Panama sec, fils, arrache, string et soutif. Style initial E, 2S A le haineux. Le son des battes, des halls, enfumé au shit à la bœuf. Parle violence et coup de feu, esprit vandal, volume 2. Le son reste anti-indique et anti-fils de baque. Ma team équipe type vient piétiner les rageux. Résumé en explicite, la vie des jeunes de la banlieue. Si les états d'âme s'effritent, c'est qu'on les nique, tant mieux. Elle reste en fraude ma musique, elle nique les règles du jeu. Trop de nerfs, si le texte concerne que les familles modestes. Putain de bruit sur ma rime, c'est l'Afrique qui proteste. Rap de rue, c'est la thèse. Les sales types connaissent les parenthèses au frais. Quand les flics te serrent les bracelets, on s'en tape des conseils. Libre ou pas, c'est pareil. Fais une croix sur la galère et une razzia sur l'oseille. Rap musique, c'est le bordel. Le 94ZZ, KR, quartier rouge. J'ai serre, il est son père. Que...